Lorsque l'on pose la question de ce qui distingue un auteur de science-fiction d'un auteur de littérature blanche, outre le fait que le premier est statistiquement plus susceptible d'être un voyageur temporel, l'une des réponses à cette question est la puissance de la tentation démiurgique de l'auteur de science-fiction lorsqu'il s'attelle à écrire des livres univers. Or, le livre univers, c'est précisément le sujet et l'objet de travail de notre invité du jour, son sujet de thèse, mais aussi l'essentiel de sa production littéraire à ce jour. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui l'un des auteurs majeurs de la science-fiction française, Laurent Genefort. Refaire les mondes avec Laurent Genefort, c'est la vaste tâche qui nous incombe pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Laurent Genefort. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une actualité multiple, la réédition en poche chez Folio SF de deux de vos ouvrages, Les peaux épaisses et Étoiles sans issue. Également, votre participation à un ouvrage collectif Variations sur l'histoire de l'humanité. C'est aux éditions La Ville Brûle dans la collection Infinie de notre camarade Jean-Philippe Usan. On va vous retrouver dans une grosse dizaine de minutes, puisqu'avant de plonger dans vos univers, on va rester encore un peu dans le nôtre avec celle qui fait et défait l'actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on commence ce Journal des Sciences avec une nouvelle étude qui vient de l'université de Harvard. La maltraitance des enfants laisserait des cicatrices moléculaires dans l'ADN des victimes. C'est une étude qui fait grand bruit outre-Atlantique. Cette recherche s'est basée sur un petit échantillon, sur 32 hommes. 17 d'entre eux ont déclaré avoir été victimes de violences durant leur enfance et 2 d'abus sexuels. L'ADN des échantillons de leur sperme ont été analysés et comparés. Les scientifiques ont examiné un processus chimique appelé méthylation. Ils ont trouvé des différences notables qui semblent distinguer les victimes des non-victimes. Les marques de méthylation sur l'ADN, c'est ça ce qu'on appelle cicatrice moléculaire. La méthylation agit comme un variateur sur les gènes. Andrea Roberts est spécialiste des troubles traumatiques à l'université d'Harvard. Elle a dirigé cette étude. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est une excellente question. Nous savons que les gens qui ont subi des traumatismes ont des risques de développer plus tard des problèmes mentaux et physiques, ce qui inclut maladies cardiovasculaires et maladies immunitaires. La question qui se pose alors est de savoir comment ce traumatisme peut passer sous la peau pour affecter la biologie même d'un individu. Là, un échantillon d'hommes s'est porté volontaire pour donner leur sperme, ce qui nous a permis d'examiner les marqueurs génétiques présents. En nous focalisant sur certains gènes, nous en avons trouvé un qui était lié à la fonction immunitaire et une poignée d'autres liés au fonctionnement cérébral. Et il se trouve que le marquage génétique était différent sur ces deux types de gènes. Il existe plusieurs façons de contrôler l'expression d'un gène et nous pensons que ces différentes façons interagissent ensemble. La méthylation est une des possibilités et c'est ce que nous avons étudié. Il se peut aussi que des histones soient modifiées et il y a encore d'autres mécanismes biologiques régulatoires qui peuvent jouer. Nous ne comprenons pas vraiment comment la méthylation de l'ADN peut passer dans un ovule. Nous savons que cela arrive, mais la majorité des groupements méthyles ne restent pas. Ici, nous avons étudié un mince échantillon de personnes. C'est une petite étude. Nous n'avons observé que 32 hommes. La prochaine étape sera donc de reproduire cela à une plus grande échelle. Voilà, effectivement, 32 hommes, on le sait, c'est une cohorte très limitée. Les auteurs, comme on vient de l'entendre, prennent eux-mêmes des précautions, ce qui n'empêche que c'est un pas important dans la recherche autour de cette méthylation et des principes épigénétiques. Oui, c'est considéré comme une étude pilote même. Donc là, on observe une corrélation entre un changement épigénétique et un traumatisme. Alors, pour approfondir l'étude, il faudrait un plus grand échantillonnage, comme le disait la chercheuse. Il faut aussi prendre en compte les effets annexes, tels que les modes de vie de ces individus qui auraient pu influencer ces marques épigénétiques. Rappelons que dès le développement embryonnaire, l'épigénome est naturellement modifié au cours de nos vies. L'influence de nos conditions de vie ou de notre environnement sur l'épigénome, ce sont des pistes de recherche qui ne sont pas encore très claires à l'heure actuelle. On écoute le contrepoint de Claire Rougeol, épigénéticienne et directrice de recherche au CNRS. La particularité de l'étude aussi, c'est de regarder ces cicatrices au niveau du sperme. Donc évidemment, avec les conséquences qu'on pourrait imaginer, que ce traumatisme pourrait être, ou en tout cas ces cicatrices pourraient être transmises à la génération suivante. Donc ça, c'est une question brûlante dans le domaine de l'épigénétique. C'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Et de façon biologiquement très intéressante, est-ce que notre mode de vie laisse des cicatrices chimiques sur notre ADN des années après l'exposition à divers constituants? Et c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, qui a été démontré dans certaines espèces, chez des plantes, chez des vers, chez l'homme, chez les mammifères en général. C'est la raison pour laquelle c'est assez controversé, c'est qu'on sait que les marques génétiques qui s'installent dans notre ADN, en particulier au niveau de nos cellules sexuelles, sont amenées à être totalement, ou en tout cas quasi totalement nettoyées au moment de la fécondation, avant pour la préparation de la génération future, je dirais. Donc c'est pour ça que se pose réellement la question de qu'est-ce qui peut être transmis au cours des générations, dans la mesure où il y a un grand nettoyage qui est fait justement pour éviter l'accumulation de ces cicatrices. En bref, maintenant, après une commission d'enquête scientifique, le CNRS a sanctionné deux de ses directeurs de recherche, Patrick Dunoyer et Olivier Voynet, pour méconduite scientifique. Oui, par méconduite scientifique, on entend un manque d'intégrité scientifique, une fraude, un plagiat ou un trucage. Dans les dernières publications de Patrick Dunoyer et Olivier Voynet, l'enquête a révélé des anomalies, des manipulations d'images. Olivier Voynet avait déjà été sanctionné il y a 2 ans. On en sait un peu plus sur le trou de 2 mm qui a été découvert en août dans la coque de Soyouz, le vaisseau actuellement amarré à la Station Spatiale Internationale. La commission d'enquête vient d'écarter la piste du défaut de fabrication. Roscosmos, l'agence spatiale russe, soupçonne les États-Unis d'un acte de sabotage à coups de perceuse. La NASA a démenti jeudi. Le dossier reste ouvert et une sortie dans l'espace est prévue en novembre pour collecter plus d'informations. Deuxième sujet cette semaine dans le journal des sciences. En Australie, des scientifiques du Hudson Institute de Melbourne viennent de publier une étude selon laquelle il y aurait des prédispositions génétiques à la transidentité. Et c'est la plus grande étude mondiale, enfin c'est l'étude la plus grande qui a été réalisée à ce sujet. Et pour cette étude génomique, l'équipe australienne a mobilisé 380 femmes transgenres et a comparé leur ADN à celui de 344 hommes témoins pour observer les variantes génétiques. Les résultats suggèrent que les raisons des conflits personnels sur l'identité de genre pourraient résider dans l'ADN de chacun. Alors il faut bien employer le conditionnel, hein, parce que cette étude, ce n'est qu'un premier éclairage de ce phénomène. Pour rappel, la dysphorie de genre concerne 5 hommes sur 1000 et 3 femmes sur 1000, donc ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Ségolène Aimé est généticienne et directrice de recherche à l'INSERM. Elle nous explique la particularité de cette étude et de ses résultats. On savait aussi que la génétique jouait, parce qu'on a étudié le phénomène de transgenre chez les jumeaux. Et quand les jumeaux sont monozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont le même génome a priori au départ, eh bien, quand il y en a un qui est transgenre, il y a 30% de chance ou de risque, comme on veut, que l'autre le soit aussi. Donc, c'est pas complètement déterminé par la génétique, mais ça l'est en partie. C'est la grande puissance de cette étude qui a, par ailleurs, été investiguée des gènes qu'on n'avait pas regardé pour la plupart jusqu'à présent, 12 gènes, qui sont des gènes qu'on sait forcément associés à ce qu'on appelle le système de signalisation des hormones sexuelles. Et ils ont comparé certains des variants qu'ils ont trouvés, par exemple, sont aussi à l'origine d'une diminution de la minéralisation des os. Ça, c'est quelque chose qui est connu comme étant plutôt associé au sexe féminin. Un des gène qui a été étudié, lié au risque de cancer de la prostate, et là donc le risque serait diminué avec ce variant qu'ils ont. Donc tout ça fait sens, c'est-à-dire que ça montre que tous ces petits éléments sont bien liés à l'identité féminine biologique. Mais ce qui est certain, c'est que ces petits effets cumulés peuvent probablement, s'ils sont en grand nombre, peuvent faire basculer un mécanisme. Chaque petit défaut n'est pas significatif en soi et ne suffit pas, mais tous ensemble, à la fin, ça peut faire basculer dans cette anomalie de l'assignement du sexe psychologique. En bref, les orques seraient en grand danger d'extinction selon une étude parue cette semaine dans la revue Science. Oui, des orques, la moitié des orques risquent de disparaître d'ici 30 à 40 ans. En cause, les PCB, les polychlorobiphényles. On avait parié et je viens de gagner mon pari, à vous. Donc c'est cette substance, c'est impossible à dire, cette substance, les PCB, voilà. Qui est une substance extrêmement polluante que l'on trouve dans le plastique, l'huile ou la peinture. C'est si polluant que dans la plupart des pays, sa production est interdite depuis 2001. Reste que les PCB sont encore très présents dans nos océans via les déchets plastiques et que les orques en absorbent massivement. On fait un petit résumé de la semaine des Nobel scientifiques, Natacha. Alors cette année, le prix Nobel de médecine a été remis à l'américain James Ellison et au japonais Tasuko Honjo pour leurs travaux sur l'immunité anticancéreuse. Le Nobel de physique a été remis à l'américain Arthur Ashkin, au français Gérard Mourou et à la canadienne Donna Strickland, son binôme. C'est leur recherche sur le laser qui a été récompensée. Le Nobel de chimie a récompensé le britannique Gregory Wyant, l'américaine Frances Arnold et son compatriote George Smith. Leurs travaux portent sur les enzymes et les anticorps. On peut saluer cette année l'effort de féminisation avec deux lauréates scientifiques. L'Académie des Nobel était encore très critiquée l'an dernier pour l'absence totale des femmes dans sa sélection. Voilà, puis si vous voulez entendre le prix Nobel et sa réaction, nous l'avions eu au téléphone dans l'émission de mardi, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot également pour vous dire qu'on vient de retrouver dans la bibliothèque de la Royal Society à Londres la lettre historique de Galilée que l'on croyait perdue à tout jamais. Oui, c'est la lettre dans laquelle l'astronome dénonce la doctrine de l'Église selon laquelle le Soleil est en orbite autour de la Terre. C'est la lettre originale et on y voit que Galilée lui-même a raturé et retouché ses propos. Il en a atténué certains afin de ne pas froisser l'Inquisition. Il y dit que la recherche scientifique est incompatible avec la Bible. Ce texte de 1613 est considéré comme l'un des premiers manifestes laïcs sur les libertés de la science. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre petite rubrique de science improbable, cette semaine, une étude des chercheurs de l'Institute of Technology du Massachusetts qui se sont interrogés sur ce qui distingue un humain et un robot lors de conversations à l'aveugle type test de Turing. Voilà, alors ça a été réalisé avec 2000 volontaires, le test. Si vous deviez prouver que vous n'êtes pas un robot et que vous n'aviez droit qu'à un mot pour prouver que vous êtes bien humain, quel serait ce mot? Alors 47... Laurent Genefort, question. Si vous deviez prouver avec un seul mot que vous n'êtes pas un robot. Ah, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral à ce niveau-là. Un mot. Pour vous dire que vous n'êtes pas un robot, pour prouver que vous n'êtes pas un chatbot de Laurent Genefort qui simule... Sur un mot, alors là, là j'avoue, je sèche. Bon. Bon, en tout cas, 47%. Là, je suis mort. En tout cas, les participants de cette étude se sont à 47% tournés vers l'émotion, avec en première place le mot amour. Et alors, dans un second temps, amour, voilà, l'humain. L'humain aime plus que le robot. Pourquoi pas. Mais attendez, c'est pas fini. Et alors, dans un second temps, dans l'étude, on a montré aux participants plusieurs mots et on leur a demandé lequel était celui qui, à coup sûr, avait été prononcé par un humain. Et massivement, ils ont choisi le mot « caca ». Alors, ça a d'abord déconcerté les chercheurs, un peu comme vous. Le niveau de cette émission va s'effondrer brutalement. Non, c'est le niveau de l'humanité qui s'effondre. Mais en fait, c'est pas idiot. Je me demande si j'aurais pas choisi ça aussi. Voilà, parce que tout simplement, ça fait sens, parce que caca, voilà, c'est un mot tabou. Ça fait sens. C'est un mot primaire et c'est aussi le signe d'un certain sens de l'humour. Et puis de notre origine organique, tout bâton. Voilà aussi. Donc moi, en tout cas, voilà, amour et caca, des termes qui sont particulièrement fédérateurs pour l'espèce humaine. Je trouve ça réjouissant. Voilà, résumé. Faut juste pas mêler les deux. Vous savez, tous les dégoûts sont dans la nature. Pardon. Bon, un mot pour vous dire que c'est aussi la fête de la science qui commence demain et on vous en reparlera tout à l'heure, mais pour fêter la science, eh bien demain vous pouvez venir témoigner de votre humanité dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour un forum toute la matinée où on parlera notamment de ce qu'on appelle les infox maintenant, puisqu'il ne faut plus dire les fake news, mais en tout cas de la façon dont on distord l'actualité scientifique et dont on peut parfois la manipuler un peu. On en parle tout au long de la matinée. Vous pouvez vous inscrire, on va vous mettre le lien vers le forum Les Idées Claires qui a lieu. Il y aura également Adèle Von Rett, Hervé Gardette, Olivia Gesbert tout au long de la matinée. Bref, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur le site franceculture.fr. Je vous en retouche un mot d'ici la fin de la matinée. Avant, peut-être de prendre le fil de notre conversation, je vous ai vu prendre des notes, Laurent Genefort, pendant le journal des sciences. Ça veut dire que vous surveillez, vous avez toujours été attentif à l'actualité scientifique, vous l'avez dit plusieurs fois. Oui, mais en fait, autant comme auteur que comme citoyen, en fait. La science m'intéressait bien avant que je devienne auteur ou que j'ai même l'idée de devenir auteur. Voilà, donc c'est juste un... Qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple? Quelle note vous avez prise là sur ce journal des sciences? Ah, sur quand vous avez parlé de quelqu'un qui s'était fait suspendre ou radier pour manque d'intégrité scientifique, et je me suis dit que c'est quelque chose... à quel nous, auteurs de science-fiction, on n'est pas astreint, la rigueur scientifique ou l'intégrité scientifique, parce que même s'il y a le mot science dans la science-fiction, en fait, c'est la fiction qui l'emporte toujours. On n'a pas ce rasoir d'Occam de la vérité scientifique, en tout cas, même si cette vérité elle est transitoire et elle est temporaire, jusqu'à ce qu'on infirme une théorie, voilà. Mais en tout cas, nous on n'est pas astreint à ça, ce qui nous laisse quand une liberté assez phénoménale. Donc on a, j'allais dire, les avantages sans les inconvénients. C'est parler de la science. Vous dites écrire de la science-fiction, c'est parler de la science sans avoir à prouver ou à développer des vrais raisonnements scientifiques. C'est vrai. Alors, l'idéal, c'est de les développer quand même, parce que ça fait partie du jeu. Il y a un truc qu'on a en commun quand même avec la science, c'est d'abord de développer un cadre. C'est une expérience intellectuelle, c'est une expérience mentale. La SF comme la science, comme la science. On a un cadre qui est dans le cadre de la science, l'expérimentation et puis les théories préexistantes. Et puis dans la fiction, c'est ce qu'on construit. Et à l'intérieur de ce qu'on se construit, du cadre qu'on construit, on va tester des hypothèses, et on va le faire. Et c'est ce que vont faire des scientifiques aussi. Et nous, ça passe par le développement de ces hypothèses. Nous, ça passe dans le cadre d'un récit. Voilà, c'est-à-dire qu'on va le faire vivre, comme finalement un scientifique va faire vivre son hypothèse à l'intérieur de la science via son raisonnement, justement, son raisonnement pur. Nous, on va le peupler d'humains, on va dire. Vous avez des champs d'intérêt de prédilection particuliers. On imagine écrivain de science-fiction, on s'intéresse plus à l'astrophysique, à l'espace, mais pourquoi pas à la médecine, à la biologie, à la génétique. Est-ce qu'il y a vraiment des champs de la science qui vous intéressent, qui vous plus que d'autres? En fait, ça recoupe pas forcément ce que je fais. Moi, j'ai toujours été passionné de deux choses. C'est quand j'étais vraiment ado, hein. J'étais passionné par la cosmologie et puis l'inverse, c'est-à-dire les particules élémentaires. C'était dans les années 80, on en trouvait plein, hein, de qui validaient le modèle symétrique, en fait. Et moi, j'étais passionné de ça. Donc les deux extrêmes. Mais on est quand même là pour le coup dans de la science très élaborée, et on peut plus faire de la science-fiction comme dans les années 50 où on pouvait rester très généraliste. Maintenant, il faut quand même un sacré bagage que moi je n'ai pas, hein, tout simplement. Donc ma science-fiction, elle va prendre comme cadre les connaissances existantes, mais voilà, moi ça va être plutôt la génétique ou les... Mais en fait, je m'intéresse à tout. C'est un champ de connaissances global, on va dire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, donc, Laurent Genefort est notre invité tout au long de cette heure. Je le disais, hein, dans l'introduction, vous êtes aujourd'hui, Laurent Genefort, l'une des principales voix de la science-fiction en France, auteur notamment du cycle Omal, qui est un livre univers qui se déroule dans une sphère de Dyson. On va en reparler justement là de l'appui scientifique qui est à la source de votre imagination, mais aussi d'un nombre quasi indénombrable de romans, de nouvelles, souvent dans le genre du space opéra, mais aussi grâce à ce que vous venez de nous dire sur votre suivi de la science, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la hard science. Alors, votre particularité, Laurent Genefort, c'est que la science-fiction dans votre vie, c'est également votre objet d'étude, puisque vous avez fait une thèse en littérature comparée sur cette notion de livre-univers, thèse que vous avez soutenue, je parle sous votre contrôle, hein, en 1997 à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Tout à fait. Intitulée « Architecture du livre-univers dans la science-fiction ». Et c'est rigolo, parce qu'en préparant cette émission, j'ai retrouvé mon vieil exemplaire, pas si vieux que ça, puisque c'était à l'occasion de la republication chez De Noël, d'Omal, que vous m'aviez gentiment dédicacé. Et vous aviez écrit ces mots pour Nicolas, ce monde enfermé dans un livre. Un livre univers, donc c'est pas un univers ouvert, c'est un monde enfermé. Alors, oui, quand même, en fait. Le livre univers, j'avais tenté une sorte de petite définition, mais en fait, il n'y en a pas suffisamment dans la science-fiction pour que ça fasse genre, parce que c'est difficile, hein, c'est souvent l'œuvre d'une vie, ou d'une demi-vie, on va dire, peut-être, pour certains, pour la plupart de leurs auteurs. Le point de départ du livre univers, je crois que ça a quand même été Dune, qui est un peu le modèle et le point de départ, mais même depuis, en fait, il se compte quand même sur les doigts des deux mains. C'est-à-dire ceux que vous avez étudiés pour votre thèse, il y a aussi Hyperion de Dan Simmons. Il y a Hyperion, il y a Heliconia de Brian Aldiss, il y a Noho de Stéphane Vull, un auteur français. Dont on va parler dans un instant. Et puis, j'avais pris aussi La Compagnie des Glaces de G.J. Arnaud, qui n'est pas tout à fait un livre univers, mais en tout cas qui est en empreinte, qui est, disons, sa contrepartie populaire, on va dire. Pourquoi cet intérêt? Je parlais dans l'introduction de cette émission de la tentation démiurgique qui est évidemment propre à tous les auteurs, mais dans le livre univers, il y a véritablement la structuration complète d'un monde. On pose comme ça petit à petit des éléments, un ADN de ce monde-là. Comment vous la ressentez? Elle est prégnante chez vous, Laurent Genefort? Alors oui, chez moi, oui, en particulier, parce que il n'y a pas une bonne manière de faire de la science-fiction. Chaque auteur trouve la sienne. Moi, la mienne, ça a été de partir de l'univers. Mais on peut tout à fait partir de l'histoire, même des personnages. Chacun fait sa tambouille, on va dire. Et souvent, d'ailleurs, on sait pas forcément par quelle voie est passé l'auteur pour nous livrer son texte, d'ailleurs. Moi, ça passe par l'univers, et par un univers même très physique, en fait. J'ai besoin de le toucher par l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime bien les grandes structures spatiales, parce qu'au moins ça me donne un cadre dans lequel je peux dérouler à la fois mon histoire, mes personnages qui viennent après, en fait, et puis et les concepts associés. C'est ça, en fait, c'est plutôt une sorte de matrice de concepts. Alors on va revenir sur la façon dont vous avez construit, pensé, imaginé, enrichi, hein, parce que vous le dites, c'est l'œuvre d'une vie pour au mal, pour ne citer que ça, parce qu'on pourrait presque prendre toute votre œuvre, même les romans isolés, comme une sorte de gigantesque monde interconnecté. On va en reparler, mais j'aimerais revenir peut-être au tout début pour vous demander quelle est l'histoire initiale qui marque votre imaginaire d'enfance. C'est-à-dire, quand vous pensez à la science-fiction, quelle est la première image qui se forme, qui à un moment donné va justement structurer les débuts de votre imaginaire, Laurent Genefort? Je sais pas, en fait. Hein. C'est assez oedipien. À un certain niveau vaut mieux éviter de savoir, de déconstruire la machine. Parce que des fois, non, mais parce que si on la déconstruit, des fois, on sait pas si en la reconstruisant, elle va pas fonctionner de guingois après. Oui, en fait, la science-fiction, c'est un genre qu'on a souvent qualifié de genre. Alors, c'est un genre de l'imaginaire. Ça veut dire qu'on va utiliser les images de la science. Alors toute la SF, je pense, utilise les images de la science. À un niveau, même la science-fiction la moins réaliste, Star Wars par exemple, elle va utiliser les images de la science. Un vaisseau spatial, c'est une image de la science qui va utiliser une technologie particulière pour sauter d'une étoile à l'autre. C'est une image de la science, même si elle est pas réaliste du tout. Mais en tout cas, on n'est pas dans la magie. On est dans une science parallèle ou dans une science fantasmée, mais on est là-dedans. La différence entre la hard science et la science-fiction, c'est que la science-fiction, elle va emprunter aussi une méthodologie qui est empruntée à la science. Pas seulement des images, mais une méthodologie. Et donc la science dans la science-fiction, on peut la voir comme un ensemble de connaissances. Moi, c'est un peu mon cas quand même. Mais aussi, on peut la prendre comme un cadre de spéculation intellectuelle. Et donc, ça va faire des auteurs comme Greg Egan, comme Ben Ford, qui vont réellement faire de la science un enjeu narratif. Voilà. Moi, je l'utilise quand même plutôt. Je suis entre les deux. C'est-à-dire que des fois, c'est un enjeu, et des fois, c'est juste un cadre dans lequel je vais faire une histoire qui a pas grand-chose à voir avec la science. C'est intéressant parce que, par exemple, quand on lit vos interviews précédentes, quand on s'intéresse un peu à votre carrière littéraire, Laurent Genefort, autant Dune revient beaucoup, vous allez nous parler de Stéphane Vull dans un instant, de l'importance de nous, on trouve par exemple quasiment aucune mention d'Asimov. Oui, alors qu'en fait, non, il est pas parce que c'est tellement une figure, c'est comme je parle jamais de Verne. Mm-hmm. Mais voilà, c'est. Vous en parlez un peu, vous dites que les Disney de Verne vous avaient marqué quand vous étiez enfant. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Le voyage au centre de la Terre en particulier, ouais. Mais voilà, parce qu'il est tellement prégnant. Enfin, c'est un peu une sorte d'idéal. Mais c'est un idéal d'auteur de science-fiction, mais presque même d'humanisme et de voilà, ça dépasse même l'auteur de SF. Jules Verne. Jules Verne et Asimov aussi qui était un grand progressiste. Il avait une idée de la science à laquelle parfois j'aimerais bien qu'on revienne en fait. Ah oui. Ouais. Laquelle, par exemple? Très clair dans sa définition il serait encore vivant, je pense que ce serait un adversaire farouche des pseudosciences et des fake news. Il avait une sorte de clarté d'esprit et de d'argumentation qui serait très très souhaitable aujourd'hui, je pense. C'est assez intéressant parce que de nombreux auteurs de l'âge d'or de la science-fiction avaient une formation scientifique, ce qui était le cas d'Asimov, et on a retrouvé une archive assez amusante de la radiodiffusion française qui date de 1954. Écoutez. Eric Temple Bell est un des plus grands mathématiciens actuels. Isaac Asimov est professeur de biochimie à Harvard. Nemtsov est un spécialiste de l'énergie atomique. Ce sont donc l'œuvre des savants qui ont choisi ce moyen-là pour communiquer, pour exprimer leurs espoirs et leurs craintes. Quelquefois, elles les expriment trop tôt. Un roman publié en 1944, Le Rage de Cliff Cartmile, racontait dans le détail la bombe atomique avant que celle-ci ne paraisse et a failli entraîner l'arrestation de l'auteur et de tout le monde par la police américaine. Mais très fréquemment, les auteurs réussissent ainsi à exprimer des espoirs. Voilà, cette archive de la radiodiffusion française de 1954, ça va dans le sens de ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire cette rigueur scientifique indispensable qui était celle d'Asimov. Oui, oui, oui, exactement. Et puis voilà. Mais il y a plein d'exemples. Hein. Je lisais un livre, une encyclopédie dont vous avez dû parler, je pense, qui est Rétrofiction de Joseph Alterac et Guy Coste. Absolument. Et en le parcourant comme ça, en le feuilletant, je tombe sur un livre qui est rapporté, qui date de 1910 et qui évoque une terraformation de la Lune avec le transport d'atmosphère congelée à sa surface. Voilà. Dès 1910, alors que le mot terraformation n'existait pas encore, y a un auteur qui a imaginé de terraformer la Lune, par exemple. Enfin voilà, il y a des choses quand même assez extraordinaires. C'est intéressant parce que vous publiez votre premier roman assez tôt. Hein, c'est la partie fleuve noir de votre carrière dont on va parler maintenant. En 1988, vous publiez Bagne des ténèbres. Dites-nous peut-être un mot d'abord de ce Bagne des ténèbres, de sa création, de sa gestation, de ce qu'il raconte et de comment il s'inscrit finalement dans cette lignée ou pas d'ailleurs de la science-fiction des années 80, de la fin des années 80. C'était mon tout premier essai. J'avais 19 ans en fait quand je l'ai écrit. La genèse en fait. Alors c'était très trivial. Hein, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme bouquin qui soit encore pire dans l'environnement. Qu'un roman américain irlandais en fait que j'adorais qui s'appelait Le Monde de la Mort de Harry Harrison qui est surtout connu pour Soleil Vert mais il a écrit des séries qui sont absolument géniales dont une série qui s'appelle Death World Le Monde de la Mort où il écrit une colonie où la durée de vie moyenne est de 5-6 ans, enfin c'est absolument épouvantable et je me suis dit tiens je vais faire un monde encore pire. Voilà. Ouais. Alors des fois en fait voilà c'est juste un défi et des fois voilà donc ce livre c'était juste un défi que je m'étais lancé pour faire le monde le plus inhospitalier possible mais quand même vivable. Voilà. Mmh. Les années 80 sont marquées on en discutait d'ailleurs juste avant la prise d'antenne tout à l'heure par l'émergence du cyberpunk, William Gibson et vous dites hein, dans une interview que d'une certaine manière votre science-fiction, celle du début, celle des fleuves noirs, qui est essentiellement une science-fiction de space opéra, c'est d'une certaine manière du post-cyberpunk. Parce que vous pensez qu'à cette époque-là, le cyberpunk, ça y est, c'est déjà une impasse en fait en termes de narration, Laurent Gilfort ? C'est pas une impasse. Je pense que c'est juste c'est un mouvement qui a vécu sa vie et comme tout mouvement qui a vécu, il a infusé dans les autres genres. Donc c'est un mouvement en fait qui est typique des années 80. C'est-à-dire que ça correspondait à un état de l'informatique, parce que c'est un genre qui est quand même axé sur l'informatique et les biotechnologies aussi, hein, mm-hmm. mais aussi beaucoup l'informatique. Hein, c'est là où est né le cyberspace. La matrice, Nixon, du neuromancien. Voilà, exactement, voilà. C'est ça. C'est ça, mais qui est un espace aussi très économique. Donc ça dépeignait le libéralisme triomphant, la fin des nations, les grandes corporations qui se font la guerre, qui ont parfois des armées. Donc ça dépeignait quasiment le monde d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et donc c'est logique que à un moment le genre dépérisse, mais parce qu'il a accompli ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire il a donné une vision du monde qui s'est révélée sur certains aspects vrais, d'ailleurs, enfin assez visionnaire en fait. Et puis bah voilà, comme tout art visionnaire, il vieillit mais il a diffusé. C'est-à-dire que après lui, le space opéra n'a plus été jamais pareil. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à avoir des IA dans les vaisseaux spatiaux, où l'univers virtuel s'est mis à concurrencer l'univers physique, etc. Enfin voilà. Donc le space opéra, qui est un genre très très vaste et qui va de space opéra très hard science, comme on a développé Ben Ford par exemple, au space opéra qui est quasiment de la fantasy, comme on voit les space opéra à la Star Wars. C'est un genre qui absorbe énormément des genres autour de lui. En fait. Donc c'est donc il a absorbé le space opéra, il a absorbé le cyberpunk, comme il a absorbé des tas d'autres genres. En fait. Et à quel moment vous formalisez le fait que justement ce qui va vous intéresser pendant toute cette période qui va jusqu'au début des années 2000, cette partie fleuve noir de votre carrière, c'est vraiment le Planet Romance, c'est le space opéra. Pourquoi est-ce que vous réinvestissez ce genre qui, lui aussi, dans les années 90, effectivement, retrouve un regain d'intérêt, mais qui a été très marqué, notamment très marqué par les séries télévisées. Vous dites vous-même que vous regardiez Cosmos 99. Il y a eu une partie un peu de désamour du space opéra dans les années 80-90. Alors, plutôt dans les années 70-80. Oui, 70-80, oui, tout à fait. Il y a eu ce qu'on appelle un retour à la Terre. Même si en réalité le space opéra n'a jamais cessé de se vendre en tant que genre, mais simplement il était souvent considéré comme marqué à droite ou un peu vieillot, etc. Et puis au tout début des années 90, il y a eu un revival, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a eu une génération d'écrivains, avec Dan Simmons et Hyperion, mm-hmm. qui a un peu sonné le début. Mais en fait, c'est la même époque que les premiers romans de la culture de Ian Banks. En fait, où le space opéra, il est vraiment revenu par le haut, c'est-à-dire par des livres très bien écrits et très littéraires, en fait. Mm-hmm. Voilà, donc le space opéra, il est revenu, en fait, je pense, par deux. Il a bénéficié d'une conjoncture très favorable qui a été une accélération de la science, en fait. Il y a eu en 95 la découverte de la première exoplanète, mais en fait il y a eu une accélération de la science. Et le space opéra, il est devenu très réaliste dans les années 90. Et en même temps, avec des auteurs très très matures, littérairement parlant, il est devenu d'une grande qualité littéraire. Donc on a bénéficié en fait de ces deux apports. Moi, de mon côté, j'ai toujours été intéressé par l'écologie au sens scientifique, en fait. Et donc mon space opéra, il est écologique, à défaut d'être écologiste, mais il est écologique. C'est-à-dire j'essaie de créer des mondes qui puissent tenir debout par eux-mêmes, en dehors de l'histoire dans laquelle ça se passe. Et c'est intéressant parce que peut-être que le lien avec le cyberpunk passe par là, parce que finalement, je le disais tout à l'heure, toute cette période fleuve noir, il y a effectivement des éléments scientifiques. Et puis, en fait, finalement, ces romans qui sont des romans individuels s'organisent tout de même dans une sorte de réseau. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de pensée, de notion du réseau avec ce que vous appelez, vous, les portes de Vanght ou ce que Dan Simmons s'appelle les trous de Bran. Enfin bref, en tout cas, les univers se rejoignent, s'interpénètrent, et il y a quelque chose de la mise en réseau, en fait. Ah mais complètement. Moi, moi c'est comme ça que je l'avais conçu à la base. Jusqu'aux années 70, il y avait, disons, deux types de grandes structures galactiques, de structures politiques galactiques. C'était les fédérations à la Star Trek et les empires à la Star Wars, en fait. On va dire. Mais dans les deux mamelles du space opéra. Les deux mamelles du space opéra. Mais en tout cas, voilà, on trouvait ça, mais on trouve ça aussi chez Ursula Le Guin, enfin chez les auteurs, ou Asimov avec la Fondation, etc., qui est un empire et puis qui va devenir une fédération. Moi, ce que je me suis dit, c'est effectivement, je suis un enfant du cyberpunk pour le coup, et aussi de la micro-informatique, parce qu'avant Internet, il y avait ce qu'on appelait les BBS, c'est-à-dire des réseaux des machines 8 bits. Enfin, vraiment, c'est des trucs préhistoriques, quoi. Maintenant, où il n'y avait pas d'image, on ne s'échangeait que du texte, et c'était le plus souvent offline. Mais enfin, voilà. Et je me suis dit, je vais considérer que chaque planète est comme un terminal dans un réseau. C'est-à-dire que j'ai mon réseau, qui est un réseau de trous de verre, donc j'imagine une sorte de réseau de trous de verre d'origine extraterrestre, mais qui a été abandonné. Donc l'espèce qui l'a créé a disparu, et l'humanité s'est retrouvée à utiliser ça, même si elle ne comprend pas vraiment comment ça marche, mais en tout cas, elle sait l'utiliser. On est un peu comme des singes au volant d'une voiture, et qui sait comment tourner le volant, quoi. Mmh. Et ce réseau-là, il met donc en communication des planètes, et donc du coup, toutes les planètes sont à égale distance géographique. Et un peu comme la notion de réseau qui abolit, alors même si c'est pas vrai en réalité, parce qu'en réalité, il y a quand même des notions de distance, mais fondamentalement, disons que la notion de centre, de distance, etc., est abolie. Et donc, mes planètes se distinguent, les planètes, ce que j'appelle les planètes éloignées, les planètes des confins, se distinguent des planètes centrales, entre guillemets, non pas par leur éloignement géographique, mais par le flux de données plus ou moins grand. C'est-à-dire qu'une planète est centrale quand elle échange beaucoup, que ce soit des marchandises, des données, de l'argent, des œuvres d'art, tout ce qui peut s'échanger, en fait. Le hub aéroportuaire de Dubaï, par exemple. Oui, voilà, exactement. Ça, ce serait une planète centrale, le coup. Ouais. Un mot, parce qu'il faut en parler tout de même, parce que ça revient énormément dans vos entretiens, et c'est pourtant un auteur et un texte qui est relativement méconnu. Vous l'avez intégré à votre corpus de thèse, ce Node de Stéphane Wuhl. C'était un de Pierre Perrault, de son vrai nom. En fait, c'est le nom Stéphane Wuhl, W-U-L, c'est, en fait, il l'avait trouvé dans un vieux Science et Vie des années 50, où il y avait eu un numéro spécial sur des savants anatomistes russes. Donc c'est en fait Wuhl, il y avait un Wuhl, alors c'est pas un Stéphane, mais c'était un Wuhl, qui était un savant anatomiste de l'Oural, qui a travaillé dans un centre probablement secret de l'Union soviétique. Voilà. C'est intéressant parce qu'il a une carrière littéraire assez particulière, il écrit à peu près tous ses romans des années 50-60, et puis il y a une grande pause, et il sort ce dernier roman qui s'appelle Nour en 1977, et c'est ce roman-là qui vous marque beaucoup, Laurent Jeunefort. Oui, c'est ça, c'est un roman qui a accompagné toute mon adolescence, en fait. Même si j'adore vraiment, je suis un fan inconditionnel de sa période des années 50. Il a écrit entre 56 et 59 11 romans, vraiment âgé continu, trop tard. Qui sont quasiment tous des chefs-d'œuvre. Vraiment, c'est d'un niveau hallucinant. D'ailleurs, pour le coup, il y a que 2-3 bouquins qui sont un peu en deçà du niveau du reste, mais vraiment tous ces romans sont à lire. Effectivement, il est devenu dentiste. Voilà. Il était dentiste quand il a écrit, il débutait. Et puis finalement, il a choisi ce qu'il appelait la dentisterie. Et sur le tard, il a écrit donc son ultime roman, son 12e roman, qui ressemble pas du tout aux autres, alors que les premiers étaient d'une écriture très sèche, très avec une grande économie de moyens. Avec Noho, on est dans un roman baroque, avec une richesse de vocabulaire, énormément de néologismes, de mots inventés. Voilà, donc c'est vraiment une science-fiction telle que le facteur cheval aurait pu la faire. C'est extrêmement poétique. C'est une immense inventivité. Moi je l'ai découvert et en fait a posteriori je me suis rendu compte que c'est le premier roman à avoir. Donc je pense que Stéphane Wuhl c'est l'inventeur des nanomachines. Par exemple, c'est le premier roman dans lequel j'ai trouvé des nanomachines qui correspondent exactement à la définition qu'on en a maintenant. C'est-à-dire ce qu'il appelle des machines moléculaires. Et ce qu'il appelle aujourd'hui en sciences fondamentales des machines moléculaires, qui a valu un prix Nobel de chimie à Jean-Pierre Sauvage il y a un an et demi. Et il appelait ça des machines moléculaires d'ailleurs, et qui ont une fonction précise, qui travaillent en essaim, qui sont diluées dans l'eau du robinet ou dispersées dans l'air. Enfin, il a décrit exactement les nanomachines telles qu'elles ont été réimaginées 15 ans plus tard par Neil Stephenson dans L'Âge de Diamant. Donc, Wuhl, il avait à la fois cette poésie Et c'était un grand poète, un grand littérateur et un inventeur. C'est un formidable inventeur aussi. C'était il y a 2 ans, hein, le prix Nobel de Jean-Pierre Sauvage. Alors, on n'a pas retrouvé Noé, mais on a retrouvé autre chose de Stéphane Ville. C'est intéressant, c'est l'extrait d'une dramatique, une adaptation de son roman La mort vivante. Écoutez. Depuis des siècles et des siècles, l'homme avait émigré vers les planètes paradis des lointains systèmes. Autour du Soleil ne gravitaient plus que des mondes presque déserts. Seule Vénus hébergeait une société organisée, relief de l'ancien empire. Quant à la Terre, c'était la planète maudite. Il était défendu d'y toucher. D'ailleurs, son climat pluvieux et désespérant suffisait à en écarter les curieux. Seuls osaient s'y aventurer des contrebandiers sans foi ni loi, déjouant les pièges de la police spatiale, ces bandits pratiquaient le commerce des antiquités terriennes, dont la demande restait forte chez certains dépravés. La science était tolérée sur Vénus, mais le consistoire, présidé par sa haute prudence, se chargeait de la maintenir dans d'inoffensives limites. Voilà l'adaptation de La mort vivante de Stéphane Ville, c'était sur France Culture en 1976. Ah, c'est extraordinaire. Je la connaissais pas d'abord, donc je suis ravi vraiment de la découvrir. Il y a une adaptation bande dessinée qui vient juste de sortir et qui est absolument, que j'ai trouvé hallucinante aussi. Je crois que c'est sorti chez Glénat et Comics Bureau dans une collection dédiée à l'intégrale de Stéphane Ville. Et c'est Vatine Varanda, enfin des monstres de la BD qui l'adaptent. Bon, on va mettre les références tout de suite sur notre fil Twitter. Il est déjà 16h41, Laurent Genefort, il faut avancer un peu. On voulait vous faire écouter un extrait de Dune, mais vous avez déjà beaucoup commenté l'influence de Dune dans votre carrière d'auteur. J'aimerais qu'on arrive à Aumale, parce que le premier volume de ce cycle est publié en 2001, mais vous dites que l'idée remonte à 1993. C'est une longue maturation pour... ce livre-univers. Oui, c'est une longue maturation, parce qu'en fait, pour moi, j'avais envie de traiter des extraterrestres. En fait, la base d'Aumale, c'est ça. C'est intéressant, une grande structure comme ça, donc c'est une sphère de Dyson, c'est-à-dire une coquille autour d'une étoile, une coquille solide, pour le coup, parce que Dyson avait imaginé d'autres types de... Il avait imaginé plusieurs types de sphères de Dyson, plusieurs types de sphères qui avaient plutôt pour but de récupérer l'énergie totale de l'étoile, mais en fait, récupérée par nous, auteurs de science-fiction, ça, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de les peupler d'histoire et donc de les peupler tout court, du coup. Donc, moi, j'ai pris l'idée d'une coquille solide autour d'une étoile et à l'intérieur, sur sa face intérieure, il y a c'est une sorte de grand melting pot de toutes les espèces de la galaxie dont on a importé des échantillons et dont l'humanité se retrouve, un échantillon d'humanité, on va dire plutôt, se retrouve à l'intérieur de cette sphère et partage son espace vital avec deux espèces, les Chil et les Hodkin. Et pour moi, traiter d'extraterrestres à un niveau le plus réaliste possible, c'est une vraie gageure. Et dans la science-fiction, il y en a finalement assez peu, en fait, aussi. On a beaucoup d'extraterrestres qui sont... Mais on est à la limite du conte, souvent, où le réalisme n'était pas forcément, est pas forcément requis à un niveau moléculaire, on va dire. Moi, j'ai essayé de faire des extraterrestres qui soient le plus réalistes possible. Et donc d'essayer et donc il m'a fallu des années pour imaginer leur culture, mais voilà, jusqu'à leur biochimie, en fait. Ça va jusqu'au niveau moléculaire, je dirais. Vous avez travaillé avec Roland Lehoucq, qu'on connaît bien ici, et Jacques Paul également. Vous aviez besoin, vous sentiez le besoin d'être épaulé par des scientifiques dans l'avancée, dans la construction de ce livre univers, Laurent Genefort. Oui, toujours pour cette idée de réalisme qui favorise une immersion particulière, qui est justement celle du réalisme. Pour les deux, donc ce sont des astrophysiciens tous les deux en fait, et donc ils m'ont aidé pour la structure elle-même en fait. Donc Roland Lehoux qui a réalisé des calculs déjà pour que ce soit réaliste à un niveau astronomique pur. Mmh. Et puis Jacques Paul, c'était une longue discussion qu'on a eue un jour puisque je cherchais à rendre réaliste le passage des jours et des nuits. Sur Omal, puisque dans une sphère qui est toujours éclairée forcément, voilà, puisque c'est éclairé de l'intérieur. Donc comment faire? Alors il y avait un auteur qui m'avait précédé, qui avait fait une sorte de sphère de Dyson. Donc il avait gardé la partie la plus intéressante de la sphère, qui est la ceinture équatoriale. Larry Niven, l'anneau monde. Et lui, il avait imaginé un truc très très bien, d'ailleurs qui fonctionne à la perfection, qui est un second anneau intérieur. Troué et qui permet de simuler l'alternance des jours et des nuits juste par occultation du soleil par des sortes d'éclipses successives. Mais comme on est dans la science-fiction et que le principe c'est de pas pomper ses prédécesseurs dans la mesure du possible, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Et c'est Jacques Paul qui m'a orienté vers quelque chose qui soit un phénomène local en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Moi j'avais imaginé un système de lune avec des quarts nuits, des demi-nuits, mais je sentais que ça fonctionnait pas bien en fait. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de cette sphère de Dyson, il y a plusieurs planètes qui ont d'ailleurs des objets, voilà, des buts, des voilà, particuliers. Il y a deux lunes intérieures, voilà. Il y a deux petits planétoïdes intérieurs, mais qu'en fait qu'on voit pas de la surface parce qu'ils sont très près du soleil central. Donc on les voit pas, ils sont noyés dans la luminosité de l'étoile centrale qui s'appelle Hélial. Donc a priori, il pose pas trop de problèmes sur la. Mais en tout cas, justement, j'avais imaginé des lunes intérieures qui, par un phénomène d'éclipse aussi, pouvaient générer des nuits. Mais en fait, ça fonctionnait pas. Et c'est Jacques Paul qui m'a mis le nez dans le caca, puisqu'on parlait du caca tout à l'heure. Et avec amour, hein, voilà, pour garder les deux mamelles. Mais avec amour, voilà, quand même. Et en fait, on déjeunait, et à la fin du repas, je regarde ma montre, et c'était une montre à quartz. Et en fait, c'est la coïncidence, justement, de l'idée de phénomène local. Et on avait parlé aussi de la couche d'ozone, un peu avant. Et je me suis dit, et en fait voilà, ça a fait un tilt dans mon esprit, et je me suis dit phénomène local plus petite nappe gazeuse, et je me suis dit tiens, je vais inventer une molécule qui se comporte un peu comme des cristaux liquides, donc des sortes de cristaux gazeux, voilà, qui vont polariser, alors qui vont se polariser non pas sous un courant électrique comme les cristaux liquides des montres à quartz, mais par insolation, donc sous l'action de photons. Et donc ça a donné. Et donc quand ils se polarisent, tout devient noir en dessous, forcément, ça devient opaque. Et donc la nuit s'installe pour 12 heures, le temps que les molécules reprennent leur état chaotique. De moindre énergie, et voilà, en fait ça s'est fait comme ça. Donc c'est pour ça que quand je parlais que pour moi la science, pour certains auteurs, la science c'est un carcan, et ils ont besoin de s'évader de la science pour trouver un imaginaire. Moi, la science est plutôt un tremplin, et ça c'est un bon exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous disiez dans l'un des entretiens que vous avez accordé que la science-fiction est un imaginaire cumulatif, justement, à propos de l'anneau-monde et de la façon dont vous avez récupéré cette idée d'une sphère de Dyson, ou en tout cas, puisque c'était à peu près l'idée de l'anneau-monde, en supprimant les pôles et en n'ayant plus qu'une sorte de grande ceinture équatoriale. Oui, c'est vrai. Alors la science-fiction, c'est un genre qui est assez vertical. Il a tendance, même s'il emprunte au genre autour, hein, mais donc ça c'est son côté latéral, mais c'est un genre qui est vertical, qui se construit sur lui-même, et d'ailleurs ce qui fait des fois des bouquins très pointus, et ce qui explique aussi pourquoi on a un lectorat limité, hein, parce que des fois faut décoder des fois, parce que justement on a tendance à apprendre pas pour argent comptant, et vous ne pourrez même pas couper au montage. C'est pas grave, vous avez prendre comme matière brute. Oui, pour acquis, voilà. On va tenir pour acquis un certain nombre de concepts qui ne le sont pas forcément. Mmh. C'est pour ça que des fois la science-fiction, elle s'enferme des fois sur des concepts un peu abscons, juste parce qu'ils ont été traités par des auteurs avant, et on a voilà. Mais en même temps, ça permet d'être très pointu des fois. Comment vous le travaillez, ce livre Univers d'Aumale? Il y a plusieurs, donc vous le complétez d'année en année, pendant quasiment 10 ans. D'ailleurs, est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il y a encore des tomes? Est-ce qu'il y a encore des volumes d'Aumale qui vont paraître? Ou est-ce que vous en avez fait le tour? Non, j'en ai pas fait le tour. Il y a eu 4 romans, mais genre, c'est bizarre. Enfin, c'est j'y suis depuis 15, dans ma tête, j'y suis depuis 20 ans. Et j'ai l'impression de n'en être qu'au préambule. C'est ça qui est assez vertigineux et puis un peu décourageant par moment. mais c'est une série ouverte, c'est-à-dire qu'a priori il y a pas de fin à cette chronologie. Voilà, en fait, c'est quand ça me prend. Quand je fais pas de roman, je fais des nouvelles qui me permettent d'approfondir un point particulier. Parce que des fois, les romans ne me laissent pas le loisir, parce qu'il faut avancer, dans la narration. Et des fois, ça me laisse pas le loisir de vraiment traiter de tel ou tel thème. Donc, les nouvelles me le permettent. Donc, quand il y a pas de roman qui paraît, en général, il y a une nouvelle ou une novella. Vous avez amené des petits carnets, Laurent Genefort, justement, où il y a marqué, je vois un petit carnet bleu, où il y a marqué Aumale dessus. Oui, Aumale. Alors ça, c'était mon troisième carnet. C'était pour vous montrer comment je fabrique. C'est-à-dire que j'ai des carnets de notes où je note chaque idée, en fait. Chaque idée a un numéro. Et entre les idées, des fois, je fais des renvois vers des notes. Parallèles ou qui ont qui puissent rentrer en résonance. Et quand j'ai suffisamment de notes, en général c'est 300 ou 400 notes, en fait l'histoire émerge du réseau de notes, voilà. C'est-à-dire des notes mais aussi des renvois de notes. Mais c'est-à-dire que ces notes, c'est quoi? C'est un personnage, c'est une action, c'est une scène, c'est exactement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bout de carte même, des listes de noms, des bouts de dialogue, des concepts, des voilà, tout ce qui peut me venir à l'esprit. Et donc, c'est vraiment cet empilement de micro-histoires, de micro-événements qui finit par constituer une globalité. Vous ne pensez pas, quand vous avancez cycle par cycle, à un fil conducteur. Vous n'avez pas... Aujourd'hui, par exemple, quand on parle, vous dites que c'est une suite, c'est un univers encore ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas exactement où il va évoluer tout seul, presque indépendamment de vous. Alors, il y a des grands mystères à résoudre, quand même. Donc, l'origine d'Aumale a été plus ou moins résolue, on va dire. Plus ou moins. Voilà. Oui. Ce qui reste mystérieux, ce sont les grands architectes de cette structure et celle des trous de verre dont on parlait tout à l'heure, les portes de Vanck. Et les portes de Vanck et la sphère de Dyson qui s'appelle Aumale ont probablement la même origine. Il faut savoir que par ailleurs, quand un vaisseau rentre et traverse ces portes de Vanck, il est bloqué, il ne peut plus sortir. Voilà, c'est ça. En fait, il y a eu à un moment ce qui s'est passé dans le peuplement d'Aumale, c'est que l'humanité utilisait un réseau, le réseau des portes de Vanck, et puis à un moment, tout vaisseau qui s'est mis à passer une porte s'est retrouvé, en fait, c'est comme si tous les passages s'étaient polarisés vers la porte d'Aumale, voilà, vers le passage d'Aumale. Et donc tous les vaisseaux qui pensaient arriver à destination, pouf, bah ils se retrouvent à l'intérieur d'Aumale. Et donc comme ça, il va y avoir pendant plusieurs jours, on sait pas exactement, mais il va y avoir comme ça un afflux de vaisseaux humains comme ça, mais pas seulement humains. Et c'est là que l'humanité, puisque jusqu'à présent l'humanité n'avait pas été confrontée à d'autres espèces intelligentes dans mes autres romans. Dans la partie fleuve noir. Voilà. Et donc c'est là qu'on se rend compte que les Vanks, cette sorte d'espèce extraterrestre dont on ne sait rien, a probablement créé plusieurs réseaux différents qui ont à la fois boosté les civilisations humaines et autres pour en faire des civilisations galactiques, pour en faire des civilisations interstellaires. Mais en même temps, c'est en même temps un piège. C'est-à-dire que ça les a enfermés dans cette espèce de nasse qui est Aumale. Alors, est-ce que c'est justement pour les confronter, etc. Alors ça reste encore à définir. Voilà. C'est déjà défini dans votre tête ou ça reste à définir au C'est sens défini large dans ma tête, mais je ne peux pas spoiler. Évidemment, évidemment. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Peut-être, Laurent Genefort, un mot sur la place qui est la vôtre, sur la place de votre œuvre dans la science-fiction française. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes assez largement reconnu comme une voix atypique et puissante de la science-fiction française, qui par ailleurs n'en a pas tant que ça. La science-fiction en France, il y a pas mal de fantasy, pas mal de fantastique, mais de la vraie SF aujourd'hui, c'est pas très foisonnant du côté de la SF française. Bah, moi, je trouve qu'il y a un renouveau. Hein. Alors, il y a un renouveau. On a reçu Romain Lucaso ici, par exemple, qui fait du space opéra avec Latium. Il y a Olivier Paquet, il y a Stelfaille, il y a Sylvie Denis. Alors, je suis désolé pour mes consoeurs et confrères, mais sincèrement, il y en a encore une bonne douzaine. Hein. C'est non, moi je trouve que le genre redémarre au niveau auteur et au niveau lectorat aussi d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit le cas en fantasy ni en fantastique d'ailleurs. Donc là, je trouve que l'ASF vit un nouvel âge. Comme vous dites pourtant que vous êtes toujours resté plutôt en dehors du milieu français de la science-fiction. Parce que vous êtes de la même génération que Serge Lehmann, que cette époque-là, que cette équipe de Noël, etc. Robert Wagner. Voilà, et pourtant, vous êtes toujours resté un peu à part, à côté? Alors, alors, dans le temps, hein, sincèrement. C'est plus le cas aujourd'hui? Oui, je me suis beaucoup socialisé depuis. non, mais c'était... Oui, c'est vrai que j'ai évolué. Je connaissais tout simplement pas le milieu, en fait, de la science-fiction. Il m'a fallu... l'apprivoiser et puis me rendre compte qu'en fait il était surtout peuplé de passionnés comme moi, tout simplement. Un mot peut-être sur aujourd'hui sur les littératures de l'imaginaire. On en a souvent parlé. On sait que autant il y a un vrai engouement public et pour l'audiovisuel, c'est-à-dire pour les séries, pour le cinéma, que ça touche un grand monde, un large public. En librairie, c'est toujours un peu difficile, et la science-fiction encore un peu plus que pour le coup les derniers chiffres que la fantasy et le fantastique. Comment est-ce qu'on explique que cet engouement pour des séries, pour le cinéma, ne se traduise pas? Est-ce qu'il manque ici? On dit traditionnellement qu'il manque à la science-fiction un Game of Thrones, ce que Game of Thrones a été pour la fantasy. Sincèrement, je ne sais pas. Je vais pas vous mentir, je sais pas. Il y a des best-sellers. Seul sur Mars est un best-seller. Il y a régulièrement. Seul sur Mars parce que c'était adapté au cinéma. Non, même avant. Ça a été adapté parce que c'était un best-seller aussi. Donc non, il y a des comme ça. Le livre de Damasio, L'heure du contrevent, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, il me semble. Donc non, la science-fiction, elle génère de temps à autre des best-sellers. Maintenant, le genre lui-même, il a perdu le gros de ses lecteurs dans les années 80, on va dire. Et c'est redevenu ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire une littérature de niche, de passionnés, mais qui est suffisamment large pour pouvoir vivre. C'est plus la littérature de masse que ça a pu être dans les années où quand Arthur C. Clarke il vendait à 100 000 exemplaires et Ray Bradbury pareil, etc. On a plus ces chiffres là, ça c'est vrai. Est-ce que la science-fiction en 2020 a vocation peut-être à redevenir plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui, un peu comme la vague des Spinrad ou même d'une certaine manière de Philip K. Dick à la fin des années 70, des années 80? Est-ce qu'en 2020 aujourd'hui, puisque le futur est là, puisque la matrice est une réalité, puisque le désastre écologique est en train de se produire devant nos yeux, est-ce que la SF doit reprendre les armes, entre guillemets? Des auteurs comme Catherine Dufour, Norbert Merjanian, Alain Damasio, ils sont très politiques. Même, oui. La zone donc, du dehors de voilà, de, tout à fait. Donc non, on a ça aussi, je dirais. C'est la SF, elle est un peu présente à tous les niveaux, je dirais, de l'imaginaire. Il y a une SF très très littéraire, très scientifique, une autre très politique. Et puis souvent, ça se mélange, hein, tout ça se mélange. D'ailleurs. Dites-nous ce que aujourd'hui, quels sont les auteurs qui vous intéressent, vous, Laurent Genefort? Quel est le dernier livre de SF qui vous a vraiment emporté? C'est une question piège, ça. C'est une question, oui, parce que j'ai toujours peur d'oublier des copains, en fait. Dernièrement, comme je suis dans de la documentation, je lis peu de fiction. Le dernier qui m'a, c'était un livre de Paolo Bacigalupi qui s'appelait La fille automate, mais je l'ai lu. On l'a reçu ici pour Waterknife, Paolo Bacigalupi. Voilà. Ouais. Je trouve que La fille automate, c'est un bouquin absolument visionnaire. Voilà. Eh ben, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup, Laurent Genefort, d'être venu nous voir ici. Merci à vous. Que le cycle de Mal en grand format, c'est chez De Noël, en poche chez Folio SF, qui réédite également Les peaux épaisses et Étoiles sans issue, qui est un roman qui est publié l'année dernière, plus votre contribution à l'ouvrage collectif Variations sur l'histoire de l'humanité, c'est aux éditions La Ville qui brûle. J'en profite pour vous rappeler que demain matin, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien il suffit de vous inscrire sur maisondelaradio.fr ou sur franceculture.fr pour venir passer la matinée en notre compagnie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le forum Les Idées Claires, où on va parler d'infox, de désinformation scientifique, de fake news. Pour notre part, pour la méthode scientifique, nous serons de 9h à 10h avec Étienne Klein, Bernadette Benso de Vincent et Gérald Brunner autour de la question de l'ère du doute scientifique. Depuis quand est-ce qu'on doute doutes de la science et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce régime d'inquiétude générale autour de la parole scientifique. Et puis vous aurez aussi des émissions d'Adèle Von Rett, de Hervé Gardette et enfin d'Olivia Gesberg qui recevra Éric Rochant pour conclure cette matinée. C'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur Maison de la Radio, n'hésitez pas à le faire. Il reste encore quelques petites places. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Un mot pour vous donner le programme de la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de mimétisme animal, mardi de Mercure, mercredi d'un appel à l'éthique numérique, jeudi de la fin du modèle des revues scientifiques payantes à comité de lecture et vendredi, eh bien, nous diffuserons le forum qui est enregistré demain. Voilà, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.